T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord, sud, est, en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez-y, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le samedi 7 juillet 2018. Quelle soirée de folie on a passé hier! En tout cas pour les supporters de football de la Belgique. Un grand moment, une grande soirée, une page d'histoire qui s'est... qui s'est passé, hein, ça on peut le dire, on peut aimer ou ne pas aimer le foot, faut quand même reconnaître, il s'est passé quelque chose hier. En tout cas, si vous nous écoutez en direct, donc le samedi 7 juillet 2018 sur les ondes de RG, eh bien, c'était hier. Si vous nous écoutez en rediffusion dimanche, c'était avant-hier. Et si vous nous écoutez en rediffusion du côté d'Arlon sur ARLFM, eh bien, c'était vendredi dernier. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez sur ARLFM, eh bien, vous saurez déjà si on est qualifié pour la grande finale ou pas. Ça, on verra bien. La suite au prochain épisode, ça se passe donc ce mardi contre nos voisins et grands rivaux bleu, blanc, rouge. Enfin bon, si les Belges jouent comme ils ont joué hier, il n'y a pas de souci, ça va passer. Mais enfin bon, il faut quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Même s'il n'y a pas beaucoup d'ours chez nous. Allez, nous, ce qui nous intéresse pour le programme d'aujourd'hui, eh bien, c'est la musique. Nous sommes ensemble pour 1h30 de musique indépendante, de musique alternative, pour le meilleur évidemment. On aura pas mal de nouveautés à vous proposer et on va commencer avec quelque chose qu'on ne fait très rarement, voire même jamais, c'est-à-dire commencer avec un morceau instrumental, un morceau de l'album de Dan Siegel, un morceau qui s'appelle Strange Sky. Et l'album, quant à lui, s'appelle Origins, Dan Siegel. Et puis après, on ira du côté de Chypre avec un nouveau groupe qu'on n'a pas encore jamais passé. Je vous ai déjà passé quelques morceaux de groupe chypriote puisque j'étais là-bas il y a l'année dernière en vacances. J'ai ramené quelques trucs et là j'ai eu un nouveau contact. Le groupe s'appelle Black Anis et le morceau c'est Don't Leave Me. Bien, vous non plus ne nous quittez pas, nous sommes ensemble donc pour 1h30. Thank you.

Dark green water kept calling me. Turned my head around. Follow that dust, grab a rope just outside of town. Where the wind don't make no noise, thunder don't make a sound. Ain't no lightning in the sky till you came around. You don't see that fire, you don't taste sweet rain. You don't hear that river calling out your name like dark green water. I've been away for the longest time. I know I ain't that strong. Day by day, tell myself, no, there's something wrong. Behind the wheel of silence, I go out for a drive. Headed down that dusty road, but only in my mind. Cause you don't see that fire, you don't taste sweet rain. You don't hear that river calling out your name like dark green water. You don't see that fire, you don't taste sweet rain. You don't hear that river calling out your name like dark green water. Dark green water kept calling me, turned my head around. I followed that dusty gravel road just outside of town, where the wind don't make thunder don't make a sound. There ain't no lightning in the sky, and you don't come around. Cause you don't see that fire, you don't taste sweet rain. You don't hear no river calling out your name like dark green water. Quelques minutes, et bien nous partirons à la découverte de notre album Powerplay qui nous emmènera du côté du Canada aujourd'hui. Avant cela, on va encore écouter Seven and Counting avec le morceau Tonight. Avant cela, et bien à l'instant, c'était Don Walker, Dark Green Water. Et avant cela, Juan Rey, Mais Fous-moi à Disney. Tonight, I won't stop and I won't hide. Taking all the places I will never see again. I'll kick some asses and shake some hands. Tonight I won't break a crying. Tonight smile is all I'll give. Nothing's out of zone, nothing's left. We'll be right back. sir, pack the engine roar. Tonight, as I walk out through that door, wherever I may be, wherever I may go, I'll keep a part of you in my soul. Voilà, on essaie toujours de vous proposer des nouveautés dans cette émission et celle-ci, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'en est bien une. Il s'agit donc du groupe Seven and Counting avec Tonight. Enfin, quand je dis une nouveauté, je pense qu'on l'a déjà écouté le mois dernier, mais ça ne doit pas dater de plus loin que ça. On en aura d'autres, hein, on en aura d'autres d'ici là. Par exemple, Beth Wimmer ou The Whispering Tree, voire même Lincoln Briney, vous verrez tout cela. Mais pour l'heure, si vous le voulez bien, et d'ailleurs même si vous ne le voulez pas trop, mais je pense que vous l'attendez tous et toutes, c'est notre album Powerplay. Je vous ai dit qu'il allait nous emmener du côté du Canada, puisque c'est un duo canadien qui s'appelle The Lynns, un duo composé alors de Lynn Miles et de Lynn Hanson, d'où le nom de Lynns. Alors ça s'écrit L-Y-N-N-E-S, tout en majuscule sauf le E. Et pourquoi? Eh bien parce que la première Lynn Miles, son prénom, eh bien c'est Lynn sans E, la deuxième c'est Lynn Hanson avec un E. Donc c'est pour faire une petite distinction entre les deux que ça s'écrit comme ça. Ces deux artistes, eh bien, ce n'est pas une nouveauté que de les retrouver ensemble sur cet album aujourd'hui, puisqu'elles ont déjà fait des tournées ensemble et elles ont déjà écrit aussi des chansons ensemble au cours des 10 dernières années. Et puis il y a aussi Lynn Miles qui a produit deux des albums de Lynn Hanson, à savoir l'album River of Sand en 2014 et le fameux Seven Deadly Spins en 2015, un album qu'on connaît bien pour vous en avoir fait profiter en long et en large dans cette émission. Eh bien, les deux artistes, elles ont choisi une approche traditionnelle, vieille école, on pourrait presque dire, pour l'enregistrement de cet album. Ça se remarque notamment à l'enregistrement des voix et des guitares acoustiques qui ont été faites directement, comme ça, à l'arrache, on va dire, au Little Bullhorn Studio. Que vous dire d'autre? Eh bien, chacune de ces chansons, c'est une coécriture entre les deux. La philosophie derrière, eh bien, c'est de dire que la somme des parties est plus grande. La somme est plus grande que le tout est plus grand que la somme des deux parties. On va s'en sortir. Voilà. Et puis, à part chanter et écrire, elles sont toutes les deux des musiciennes talentueuses et qui peuvent jouer de plusieurs instruments, à savoir guitare acoustique ou électrique, piano, harmonica, mandoline et les percussions. On ira un peu plus en profondeur sur les biographies des deux artistes plus tard dans cette émission, mais je vous propose d'écouter un premier extrait de cet album qui s'intitule Heartbreak Song for the Radio. Bah, ça tombe bien, on est à la radio, c'est le groupe de Lynns et le premier extrait c'est The Waltz. Power Play. Power Play. Say yes, you say no, you hold on and I moon tonight. No stars at all, so fitting for this lonely ball. There's no rhyme or reason, just one long cold season. One foot then the other, last dance, tragic lovers. Sad song plays on and on, we move in time. Over time, the hurting fades. Now just a twinge where it should ache. Two hearts too broke, too late to break. There's no rhyme or reason, just one long cold season. One foot then the other, last dance, tragic lovers. Sad song plays on. Time and dance along. Voilà, à l'instant, c'était les Chalalas avec Before I Let You Down Again. Je ne sais plus relire ce que j'ai écrit moi-même. Donc, il va falloir que je fasse un petit effort d'écriture, voire même de calligraphie. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois en direct sur Radio RGL entre 17h et 18h30. Cette émission est rediffusée le dimanche suivant, toujours sur les fréquences de RGL. Et puis nous sommes rediffusés le vendredi qui suit l'émission en direct sur les ondes, en tout cas sur le canal de ARL FM du côté d'Arlon. Et cela fait maintenant trois mois, je pense, que nous sommes partenaires avec ARL. Et on est très très content que ça se passe pas trop mal. On poursuit en musique avant de retourner sur notre album Powerplay. Ce sera pour dans quelques minutes. On va retourner du côté de Chypre. On était là-bas en tout début d'émission avec le groupe Black Anis. Et bien, un autre artiste dont j'avais ramené un album de mes vacances l'année dernière, comme ça vous savez tout. Il s'appelle Constantinos Lemesios. Son album, c'est un EP qui fait 6 titres, c'est presque un album, on va dire. S'intitule Dysphasia. Et le morceau que j'ai choisi de vous passer aujourd'hui, c'est Picture Perfect, la plage numéro 3, comme ça vous savez vraiment tout. Classic, tasty fruits, paint the picture you gotta give. Gotta give it some credit, it's not so blind. I was just getting started, you gotta give. sunglasses, don't look back. I still smell the burning heart. I guess till death do us part. Burn the roses to the ground. Plant the ashes 6 feet down. Watch my fire put you out. Burn the roses to the ground. Take these flowers from the grave. Throw them in this dying flame. Lie inside the bed you made. Say goodbye, I walk away. Burn the roses to the ground. Plant the ashes 6 feet down. Watch my fire put you out. Burn the roses to the ground. Smoke fills the air, it's hard to breathe. I'm choking on your memory. One of us will come out alive. So rest in peace tonight. Ground, plant the ashes 6 feet down. Watch my fire put you out. Burn the roses to the ground. Burn the roses to the ground. Plant the ashes 6 feet down. Watch my fire put you out. Burn the roses to the ground. Burn the roses to the ground. Burn the roses to the ground. Burn the roses to the ground. Burn the roses. Burn the Voilà, voilà, c'était Whiter World avec Burn the Roses, et avant cela donc l'artiste chypriote Konstantinos Lemesios avec le morceau Picture Perfect. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, notre powerplay, c'était Paul Messenger avec son album America 2.0. Eh bien, Paul Messenger est en tournée pour l'instant en Europe, pour ceux que ça intéresse. Sa tournée a commencé hier en Allemagne, au Ice Café Dante à Orneburg. Il sera en tournée jusqu'au 28 juillet, essentiellement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Alors, je vous donne les dates en Belgique parce que c'est les dates, c'est les endroits les plus proches d'ici. Il sera le 12 au Snuffel à Bruges, toujours le 12, deux concerts, donc il passe de Bruges à Anvers, il sera sur Radio Centrale. Et puis le 13, il sera à Malines au Zenegat 13. Ben voilà, ça ne s'invente pas. Donc, les dates de Paul Messenger, plus d'infos si vous voulez en avoir plus. Et bien, www.paulmessenger.net, Paul Messenger, M-E-2-S-I-N-G-E-R.net. Et puis, Paul Messenger est aussi membre du groupe Facebook de Planet Indie. Donc, vous pouvez même directement vous adresser à lui. N'hésitez pas, rejoignez-nous sur Facebook aussi. Vous tapez Planet Indie et puis vous arriverez dans le groupe. Il n'y a pas de souci, mais écrivez bien Planète à la française avec un E au bout de Planète et un E au bout de Indie. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis notre site internet, tant qu'on y est, www.ilovemusic.ga. Et puis voilà, vous avez tout, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. On poursuit en musique avec Beth Wimmer et son morceau Simplicity of a Man. Et puis après, retour sur notre album Powerplay, l'album Heartbreak Song for the Radio du duo canadien Les Lins. simplicity of a man. The simplicity of a man. The simplicity of a man. The simplicity. Simplicity of a Man, chanson de Beth Wimmer. 17h52 minutes, en tout cas si vous nous écoutez sur les ondes de RGL. 20h52 minutes si vous nous écoutez du côté d'Arlon sur ARL FM. C'est Planète Indie et nous allons retourner illico presto sur notre album Powerplay, donc l'album du duo canadien Les Lynns. Duo composé de Lynn Hanson avec un E à Lynn, et Lynn Miles avec plutôt sans E à Lynn. Je vous avais dit qu'on allait passer un peu de temps sur la biographie de chacune des deux, et bien on va commencer par Lynn Miles. Lynn Miles est une des chanteuses et compositrices canadiennes les plus accomplies. Elle a 14 albums à son palmarès, elle a gagné 4 fois des Canadian Folk Music Awards, y inclut notamment en 2011 le English Songwriter of the Year, donc la composition anglophone de l'année. Et puis en 2003, elle a aussi gagné le Juno Award for Roots and Traditional Solo Album of the Year. Alors, que vous dire d'autre ? Eh bien, sa carrière l'a menée donc de Ottawa, d'où elle est originaire, à Los Angeles, et pour revenir finalement à Ottawa, avec des arrêts entre-temps à Nashville, au Tennessee donc, et puis à Austin dans le Texas. Elle a aussi tourné pas mal et elle tourne encore régulièrement à travers les États-Unis, l'Europe et le Canada. Enfin, on peut encore dire que eh bien, sa chanson Three Chords and the Truth a été choisie comme on pourrait dire générique de clôture sur la série TV Case Histories de la BBC. Voilà, ça c'était la petite biographie de Lynn Miles. Et pour pas rendre Lynn Hanson jalouse, eh bien, on ira faire un petit tour sur la sienne d'ici quelques minutes. Je vous propose avant cela de retourner donc sur leur album et on va écouter un second extrait. C'est le morceau Heavy Lifting. Power play. Power play. If wishes were horses, then beggars would ride. Intentions had wings, then dreamers could fly. Regrets were tattoos, heartaches could fade. There'd be no second guessing the choices I made. I'm tired of falling for cowboys in the dark. I'm tired of giving away my heart. Of walking a line that's always shifting. I'm tired of giving away my heart. This is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. I give you my heart, all that I am. Please take my love, hold it gently in your hand. Let all your worries just now. In my arms, it'll be a brand new day. Towards you, you don't owe them anything at all. It's survival of the fittest, and you are the king. That's the way it is, and how it's always been. You didn't make the game, but you're gonna play it, and you're gonna win. How do you sleep? How do you sleep in your tower on your satin sheet, sweet and deep? There are documents and lawyers to separate you from the things that go on down there, somewhere beneath you, so far away it could never reach you. You're safe here, your hands are clean. Yeah, the law's on your side. When you own the lawmakers, you pay good money for movers and shakers, friends in high places to get it done. It's just commerce, it can't be wrong. How do you sleep? How do you sleep in your tower on your satin sheet? Sweet, sweet and deep. Oh, sweet and deep. call you, but deep down you know they really adore you. People toast your name, pull out your chair. They know what you've done, but they don't care. Yeah, you're well loved and respected, well spoken, well connected with your shiny cars, your suit and tie. But if I met you in the jungle, you'd eat me alive. How do you sleep? How do you sleep in your tower on your satin sheet? The mess that you C'est une nouveauté dans cette émission, il s'agit du groupe The Whispering Tree, on les écoutait avec un morceau Fat Cat. Je pense qu'on a trouvé une faille spatio-temporelle, en tout cas si pas spatio-temporelle, parce que ça fait déjà 1h05 qu'on est ensemble. On est à tout casser un tout petit peu plus loin que la moitié de ce que j'avais prévu de vous passer aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'avoir parlé beaucoup plus que d'habitude, donc je ne sais pas, probablement qu'on n'arrivera pas au bout du programme prévu aujourd'hui, mais vous rassurez-vous, il y en aura plus qu'assez. Et ce qu'on n'aura pas l'occasion d'écouter aujourd'hui, eh bien on l'écoutera le mois prochain. Et le mois prochain, la prochaine émission, ça nous mènera aux alentours du... Laissez-moi regarder sur le calendrier, ce sera le 4 août. Avant de poursuivre en musique, je voudrais vous parler d'une manifestation qui se tient aujourd'hui à Belleval. Donc c'est tout près d'ici, c'est la fête des hauts fourneaux. Ça se passe aujourd'hui samedi 7 juillet, demain dimanche 8 juillet. Donc si vous nous écoutez en rediffusion sur ARL-FM, c'est trop tard de toute façon. Aujourd'hui, il y aura notamment à 22h30 Mirador, le grand spectacle danse et feu. Et puis demain, il y aura des ateliers de musique, il y aura qu'est-ce qu'il y a encore, les jeunes chorégraphes qui investissent les vestiges industriels. Et puis les deux jours, vous pourrez visiter les hauts fourneaux. Il y aura une tyrolienne à 60 mètres de hauteur si vous osez vous lancer dans le vide. Et puis vous pourrez voir aussi Heol, un artiste de rue et un acrobate qui réalisera une fresque géante en suspension sur la masse noire. Voilà, ça c'est pour ce week-end. Le week-end prochain, tant que j'y suis, je dois aussi vous parler du festival Blues Express qui se tiendra à Fontgras et La Sauvage. Donc c'est le week-end du 14... Non, c'est le 14 tout simplement. C'est le 14 août et vous aurez notamment l'occasion de voir... le groupe Canet Heat. Ça se passera à 22h à Fontgrasse dans le hall des trains. C'est là qu'il y a souvent le gros concert. On avait eu l'occasion, notamment l'occasion de voir il y a 2 ans, si je ne m'abuse, la prestation de King, un groupe qu'on retrouve de temps en temps dans cette émission. Si vous nous êtes fidèles, vous le savez. On poursuit en musique en douceur avec Joanna Silanpa, un morceau qui s'intitule Closer. Et puis après, on écoutera Lincoln Briney avec Old Friends, et cet extrait d'un album de reprise de chansons peu connues de Paul Simon. Come a little closer, stay with me tonight. You're all I ever wanted, please don't let me down. Beauty you possess is bewitching to me. You are like electricity. Come a little closer, stay with me tonight. Mm-hmm. little closer, my love, I won't bite. I'm just hungry for the truth, and you bring out in me a great appetite of loving you. Torment me like this. When all that I have longed for is at my fingertips. The beauty you possess is bewitching to me. You are like electricity. Come a little closer, don't you torment me like this. Come a little closer, my love, I won't bite. I'm just hungry for the truth, and you bring out in me a great appetite of finally having you. Come a little closer, my love, I won't bite, 'cause I just wanna be with you, and you bring out in me a great appetite. Thank you. un morceau très très court. Quelque part, tant mieux, puisque ça nous permettra de rattraper un peu de temps. C'était donc Lincoln Briney, pardon, avec Old Friends, extrait d'un album qui s'intitule Happens to Simon and Garfunkel, Homeward Bound. Donc c'est un album de reprises de chansons de Simon et Garfunkel, bien évidemment, mais des chansons qui ne sont pas évidemment les plus connues. Celle-là, d'ailleurs, je dois vous dire, je ne la connaissais pas du tout. Retour sur notre album Powerplay, il est grand temps. On a mis sur Facebook une vidéo du duo de Linz, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Et puis on va aller faire un petit tour maintenant sur la carrière de Lynn Hanson. Donc elle, c'est la Lynn avec un E au bout. Elle a commencé à jouer de la guitare quand elle était adolescente, et puis elle a continué jusqu'à ses débuts prometteurs. Ça a commencé notamment en 2006 avec un titre, Things I Miss, son premier album. Deux albums ont rapidement suivi, l'album 11 Months en 2008 et puis Once the Sun Goes Down en 2010. Chacune de ces nouvelles productions lui a valu des critiques et des commentaires positifs. Elle a été, suite à cela, nominée pour le Canadian Folk Music Award en 2009, et puis elle a été aussi invitée à jouer au Carrieville Folk Festival, un festival prodigieux. Quoi d'autre? Elle a aussi reçu le Colin Peterson Songwriting Award qui lui était attribué par le Conseil des Arts de l'Ontario. Suite à cela, elle a pris une petite pause de quelques années, et puis elle est revenue en 2014 avec un nouvel album, River of Sand, un album, comme on le disait tout à l'heure, qui a été produit par l'autre Lynn Miles. Elle tourne aussi régulièrement au Canada, aux États-Unis, en Europe ou en Grande-Bretagne, soit de manière solo, soit avec son groupe les Good Intentions, groupe avec lequel elle a joué, elle a produit, elle a sorti cet album, le Seven Deadly Spins, qu'on vous a fait découvrir il y a maintenant un certain temps. Je dirais que c'était probablement déjà l'année dernière, voire même l'année d'avant. Et puis elle a encore tourné comme première partie du Gretchen Peters ou de Steve Forbett, et encore aussi Albert Lee. Voilà, elle a aussi joué au club légendaire le 100 Club à Londres et au Bluebird Café à Nashville, juste pour n'en citer que quelques-uns. Je me tais maintenant, je laisse la place de nouveau au duo Les Linz. On les écoute avec la plage d'ouverture de leur album. Ça s'appelle Cold Front. C'était notre Power Play aujourd'hui dans Planète Indie. Power Play. Power Play. Paint me a picture, a picture of the dark, and I'll hand you a photograph of the inside of my heart. 'Cause I got that sad, sweet feeling rolling around my chest. You're just another trophy for my shelf to go with all the rest. You owe eventually. there's a cold front moving in. Yeah, it feels like there's a cold front moving in. All those years away, your letter came today. Your picture, I nailed it to the door. Before you think of visiting and how it used to be, truth be told, no one can ignore. I ain't no pretty boy no more. Took one in Korea, retreating to the south. They dragged me on a blanket through the snow. I flirted with the nurses, I broke some hearts as well, but I wasn't quite so frisky as before. And I ain't no pretty boy no more. I liked Ike at 56, but Bud liked that a lot. And as you know, I never liked to fight. But beer, black eyes, and bar stools, they wove their magic spell. They had the same discussion every night. Myself a ladies' man, but as the years went by, times were tough, but still I had to spend. I brought them drinks and compliments, they flashed their eyes and smiled. I'd leave with some hippie in the end. Well, when you get back to Logan, use what you got in store. It's been a hard life, and ain't no pretty boy no more. Forget about those memories from the past you may adore. I ain't no pretty boy. I ain't no pretty boy no more. Je ne suis plus, eh bien, un joli garçon ou un beau garçon. C'est Dan Cunningham. On poursuit avec Marson Ramos et une chanson plutôt orientée Halloween. In the Shadow of the Full Moon. When at midnight I'm found, body scarred off his grave. Something different I feel, and I'll need a place to hide away. In the shadow of the full moon, I feel a terrible fear of a vampire werewolf or a frightful scarecrow or meeting zombies. Where I go, whoa, whoa, whoa. Your fire comes at midnight to sing the most scariest song. Dracula has come walking in the fall. I'm shaking, fear what will become of me. Thank you. and shiny. I gave you your own scary screen. Cause after all, it's Halloween. In the shadow of the full moon, I feel a terrible fear of the vampire werewolf. Désolé, on va devoir couper un tout petit peu Marcin Ramos avec son morceau, mais on le réécoutera une prochaine fois puisqu'il nous reste encore un tout petit peu de temps pour écouter Timur Räsänen featuring, non, West of Eden featuring Timur Räsänen avec Face Hope Theft. Avant cela, on passe en vitesse accélérée le programme de la Rocale. Le 8 juillet, vous pourrez voir Ben Howard, le 9 Kaleo, le 10 Arch Enemy, le 12 Petit Biscuit. Le 12 aussi Miles Kennedy, mais ça c'est au club, tandis que l'autre c'est dans la boxe. Le 14, entrée gratuite pour le Screaming Field Festival. Le 18 juillet, le Gene Simmons Band. Et le 23 juillet, ce sera Lenny Kravitz. Voilà. Pour l'heure, eh bien, donc, il nous reste à écouter un dernier morceau avant de se quitter. C'est donc West of Eden featuring Timur Räsänen, Face Hope Theft. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de cette émission. Pour moi, ça va passer à une vitesse VV prime. C'était l'épisode numéro 398 de Planète Indie. J'espère que vous serez au rendez-vous le mois prochain pour l'émission 399 au mois d'août. Ce sera le 4 août pour l'émission en direct, le 5 pour la rediffusion sur RGL et le vendredi suivant. Donc, ça nous met le 10 pour la rediffusion sur RGL. Retrouvez-nous sur Facebook Planète Indie, retrouvez-nous sur internet www.ilovemusic.ga. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis allez, on va la gagner cette Coupe du Monde. À bientôt. This is forever, from here on to eternity. Faith, hope, theft. Shouting in the storm up on the highest hill, the world below. We were so high on life, you were part of me and the insanity. Faith, hope, theft. Faith, hope, theft. But you stole from me, you stole from me. And it's clear to see your virtues come from robbery. Came like it always does. It's a blur to me. Trying to trace our tracks. I remember every cracking noise from the bonds that broke. Now my heart's full, full of spite, full of spite. You stole from me, you stole from me. And it's clear to see all your virtues come from robbery. Faith, hope. Dive into the deepest sea, the highest waves. You were like flames, I was a moth at night. The whole world is closing in on me. Full of spite, you were flames. I was a moth at night, and we burned. You stole from me. You